إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله وخيفة عذاب الله أيها المؤمنون لقد أمر الله تعالى في كتابه بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وجماع الصلاح توحيد الله وإخلاص الدين له وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه وترصم خطاه وفي مقابل ذلك حذر جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن من الفساد والإفساد وأخبر جل وعلا أنه لا يحب الفساد وأنه لا يحب أهله قال الله تعالى والله لا يحب الفساد وقال الله تعالى والله لا يحب المفسدين وحذر جل وعلا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها وحذر جل وعلا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها قال الله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعا الله عباده إلى الاتعاظ والاعتبار بأحوال الأمم السالفة وما أحله الله بهم من عواقب وخيمة ونهايات أليمة وقال الله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال تعالى وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ونهى الله جل وعلا عن اتباع كل مفسد وطاعته قال الله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين وقال الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون وأخبر الله جل وعلا أن فساد العباد فساد للأرض والبلاد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وذكر سبحانه نموذج من أحوال الأمم السابقة دعوة للعباد لأن يتعظوا ويعتبروا في آيات كثيرة القرآن يعني في آيات كثيرة في القرآن ومن ذلكم قوله جل وعلا عن قوم فرعون فأكثروا فيها الفساد أي في الأرض فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أي لجميع المفسدين في أي زمان وفي أي مكان وفي أي وقت serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala vous entend et vous voit peu importe où que vous soyez et la piété et la crainte d'Allah et la piété ça signifie d'agir selon l'obéissance d'Allah avec une science venant d'Allah en espérant sa récompense et d'abandonner la désobéissance d'Allah avec une science venant d'Allah par crainte de son châtiment ô vous les croyants Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son livre de faire le bien et de réformer c'est-à-dire de faire le bien pour soi-même et en soi-même, et d'amener le bien et de répandre le bien autour de soi-même, de réformer les sociétés et les choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de tous ceux qui font la réforme et qui corrigent le mal et qui enlèvent le mal et qui réparent les choses qui sont corrompues. Et donc, on peut dire que, de façon générale, al-islah et as-salah, le fait d'être bon ou de faire le bien et de corriger le mal, ça comprend l'unicité d'Allah. Le fait de croire en le tawhid, croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de purifier notre religion pour lui, d'obéir à son messager et de le suivre, et de suivre ses pas. Et par opposition à ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis et nous a mis en garde contre la corruption, c'est-à-dire le désordre, et le fait de semer le désordre sur la terre. Donc d'être corrompu et de corrompre autour de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la corruption. Et Allah n'aime pas le désordre. Et il n'aime pas ceux qui le font. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela dans plusieurs versets dans le Coran. Il dit, et Allah n'aime pas le désordre. Et il dit, et Allah n'aime pas ceux qui font le désordre. Al-mufsidun. Le désordre, en arabe, c'est al-fasad. Le fait de faire des troubles, de faire des problèmes, de semer des troubles sur la terre. Et ceux qui font cela, on les appelle en arabe al-mufsidun, c'est-à-dire ceux qui font le fasad et al-ifsad, qui corrompent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ne semez pas des troubles sur la terre, comme le font les gens qui font du désordre. Et il dit également, ne faites pas de désordre sur la terre après qu'elle a été réformée. C'est-à-dire après que Allah subhanahu wa ta'ala ait envoyé les messagers avec le message qui vient d'Allah pour purifier la terre de toute forme de shirk et établir son unicité et son tawhid dans l'adoration et pour établir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rejeter toutes les formes d'innovation qui sont amenées dans la religion ou rajoutées après que la religion ait été complétée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à réfléchir, à prendre des leçons et à être exhorté au sujet des peuples qui nous ont précédés et qui ont semé le désordre sur la terre, et comment a été leur conclusion, et comment le châtiment d'Allah a été dur pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans certains versets, et regarde comment a été la conclusion des mufsidines, c'est-à-dire de ceux qui sèment le désordre. Et il dit également, regardez comment a été la fin de ceux qui ont semé le désordre sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de suivre ceux qui font le désordre et de leur obéir. Et il dit, ne suivez pas la voie de ceux qui sèment le désordre. Et il dit, ne semez pas ou n'obéissez pas à toute personne qui est outrancier et qui sème le désordre sur la terre et qui ne font pas la réforme et qui ne corrige pas. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que le désordre sur la terre et de semer la corruption sur la terre, c'est qu'est-ce qui, lorsque le serviteur est corrompu, et c'est ça ce qui amène que la terre devient corrompue par la suite, et les pays par la suite deviennent corrompus. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que ce qui signifie que le désordre et la corruption est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquises, pour leur faire goûter un peu de ce qu'ils ont fait, pour que par la suite ils reviennent à Allah en repentance à cause des châtiments qu'ils ont reçus. Et donc ça c'est le cas de tous les peuples et de toutes les nations à qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers pour les appeler à la réforme et au bien. Et on voit ça dans plusieurs exemples dans le Coran, comme à propos de Pharaon et de son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. Ils ont fait beaucoup de désordre sur la terre, et à cause de ça, Allah déversa sur eux un fouet du châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala déversa sur eux un fouet du châtiment. Et certes, ton Seigneur est aux aguets. C'est-à-dire qu'il surveille ceux qui font le désordre sur la terre à toute époque et en tout lieu, et peu importe où soit l'endroit. Et on voit des exemples de ce genre de désordre actuellement se propager et se répandre sur la terre. par les actes de certains parmi les gens qui se prétendent établir un khilafa ou qui prétendent vouloir établir un état islamique et qui en réalité ne font que semer le désordre sur la terre en tuant des gens comme si c'était des moutons et en égorgeant les hommes innocents qui n'ont rien commis comme crime injustement. Et ils prétendent qu'en agissant ainsi, ils sont en train d'établir un état islamique. Mais ne vous laissez pas impressionner ou ne vous laissez pas naïvement influencer par ce que des gens prétendent, hein, et regardez ce qu'ils font et regardez ce qu'ils, avec qui ils s'associent. Et vous allez comprendre qui ils sont réellement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ومن الناس من يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الله سبحانه وتعالى دي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Il y a des gens, hein, qui disent, quand tu leur dis pourquoi vous faites le désordre sur la terre, ils disent on est en train de faire la réforme, on est en train de corriger les problèmes, on est en train d'arranger les choses, on est en train d'établir un khilafa, on est en train d'essayer d'établir la loi islamique, on est en train de vouloir faire ci ou faire ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes ce sont eux qui font le désordre, mais ils ne le réalisent pas. C'est eux qui font le désordre parce qu'ils sont en train d'essayer de corriger, hein, un problème ou le mal, mais sans suivre les enseignements du Coran et sans respecter les enseignements de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute réforme qui veut être faite, mais qui ne suit pas la voie et l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'exemple de nos pieux prédécesseurs qui ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui, parmi les sahaba et les tabi'in, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, eh bien, ça ne peut pas être une vraie réforme qu'ils sont en train de faire. Et c'est plutôt en réalité du désordre. C'est en réalité du désordre. Et c'est de la même catégorie que ceux parmi les laïcs, ou les modernistes, ou les autres, parmi les gens qui se sont écartés de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui prétendent vouloir amener de la réforme sur la terre, ou qui prétendent vouloir amener du bien sur la terre, en appelant à tout ce qui contredit la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et la religion d'Allah. Eux aussi prétendent vouloir ramener du bien à l'humanité et vouloir corriger les problèmes de la société, mais en contredisant ce que Allah a révélé et en faisant le contraire de ce que les messagers ont ordonné les hommes de suivre. Et donc ça, c'est deux extrêmes encore une fois. L'extrême de ceux qui prétendent vouloir établir l'islam et qui dépassent les limites de ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna, et l'extrême de ceux qui appellent à réformer les hommes par ce qui contredit, hein, le Coran et la Sunna. Et dans les deux cas, ça fait partie du désordre et de la corruption. Ibad Allah, wa l'ifsad durubun kathira wa anwa'un adida akhtaruha wa ashna'uha الإشراك بالله واتخاذ الأنداد مع الله ونشر البدع والأهواء فإن ذلك من أعظم الفساد في الأرض بل هو أعظمه وأشنعه وفيه قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي بعد أن أصلح الله عز وجل ببعثة النبيين دعاة إلى التوحيد إلى توحيد الله وهداة لعباد الله ومرشدين إلى كل حق وفضيلة ومن الإفساد في الأرض عباد الله السحر بأنواعه فالسحر آفة عظيمة وبلاء خطير وتعاطيه فساد عريض في الأرض قال الله تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Serviteurs d'Allah, sachez que les formes de désordre et de corruption sur la terre sont nombreuses, et la plus dangereuse de toutes les formes de corruption et de désordre, eh bien, c'est le shirk, c'est-à-dire d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de lui donner des égaux et de lui attribuer des égaux, comme par exemple le fait d'adorer d'autres avec Allah et d'invoquer d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a besoin de l'aide, on appelle Allah seul. Et celui qui appelle autre que Allah, par exemple ceux qui invoquent les shuyukh, ou qui invoquent les awliya, ou qui invoquent les tombes, et qui les appellent au secours, au lieu d'appeler Allah, eh bien ça c'est un exemple de désordre et de corruption sur la terre. Ou ceux qui invoquent, ou qui appellent, ou qui prient à des statues, ou à des images, ou à des idoles, ou à des croix, ou qui prient à des prophètes, ou qui prie à des hommes pieux, ou qui prie à des anges, ou à des djinns, ou qui prie à toute autre créature, eh bien, il a associé avec Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration. Et il a commis ce qu'on appelle le shirk, qui est le plus grave de tous les péchés, et le plus dangereux de tous les péchés, le péché que Allah, subhanahu wa ta'ala, ne pardonnera à personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna shirka la dhulmun azim. La plus grande forme d'injustice, c'est d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également: et ne semez pas le désordre sur la terre après que la terre ait été réformée, c'est-à-dire après que Allah subhanahu wa ta'ala ait ramené la réforme sur la terre, après avoir envoyé ses messagers qui sont venus pour appeler les hommes au tawhid et pour les guider à l'adoration d'Allah seul et les faire s'écarter de l'idolâtrie et du shirk qui a été propagé sur la terre. Et également, parmi les plus grandes formes de désordre qui peuvent être propagées sur la terre, il y a les innovations dans la religion, les différentes formes de bid'a. Qu'est-ce qu'on appelle le mot bid'a? C'est-à-dire qu'est-ce qui est innové, qu'est-ce qui est inventé. Qu'est-ce que des gens font dans la religion d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné, ni les sahabas et ni ceux qui les ont suivis par la suite, et que des gens sont venus des générations après le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les inventer dans l'islam. Et donc les gens commencent à les pratiquer comme étant ou comme faisant partie de la religion. Ou bien parfois c'est des croyances qui sont inventées. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bid'a qui sont appliquées nécessairement comme des pratiques religieuses, mais des croyances religieuses qui sont contraires à l'islam et qui sont arrivées ou qui sont apparues très longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Et un exemple de ces formes de bid'a, c'est la bid'a des khawarij. La bid'a des khawarij, c'est une des premières parmi les bid'a qui sont apparues à l'époque. Même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam séparait le butin et que il a donné à certains des parts du butin parce qu'il voyait qu'il voulait les rapprocher à l'islam. Alors il a donné à certains une part du butin. Et il y a un homme qui est arrivé à lui qu'on appelle Dhul Khuwaysira, et il a été décrit dans le hadith comme ayant une longue barbe et une marque de prosternation, et quelqu'un qui avait une apparence religieuse, et qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit sans aucun respect: ô Muhammad, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: et si moi je ne suis pas juste, qui d'autre sera juste? Et donc après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la umma en garde contre cet homme, et il a dit: de cet homme vous allez voir apparaître plus tard des individus qui récitent le Coran plus que vous, et qui font plus de prières que vous, et qui font plus de jeûnes que vous, mais quand ils récitent le Coran, ils ne dépassent pas leur gorge. C'est-à-dire qu'ils récitent le Coran sans aucune compréhension de ce que ça signifie. Et ils aiment la religion, ils veulent la pratiquer, mais à cause de leur ignorance et de leur extrémisme, ils passent à travers l'islam comme une flèche traverse sa proie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yamruquna min al-islam muruqa sahmi min ar-ramiyah. Et il a mis en garde contre ces gens-là, et il a dit à leur sujet: ahdathu al-asnam sufaha'u al-ahlam yaquluna min khayri qawli al-bariyah yamruquna min ad-din muruqa sahmi min ar-ramiyah. C'est-à-dire que ce sont des jeunes en général, et ce sont des gens faibles d'esprit qui réfléchissent pas et qui comprennent pas, qui sont naïfs. Ils se laissent impressionner facilement. Ils sortent de la religion comme une flèche a quitté sa proie lorsqu'elle passe à travers. Et il a mis en garde contre eux. Ils disent les meilleures paroles au monde, Ils parlent au nom du Coran, au nom de l'islam. Ils prétendent qu'ils sont en train de défendre l'islam, mais ils sortent de l'islam plus vite qu'une flèche. Donc c'est pour dire que c'est des gens qui ramènent des innovations. Et parmi leurs innovations, c'est de croire que tout musulman qui commet un péché, eh bien, il quitte la foi de l'islam, devient kafir. Et que son sang et ses biens deviennent halal pour les musulmans. Et donc que c'est obligatoire de le combattre et de le tuer et de prendre ce qu'il a. Et ils appliquent ça contre les dirigeants musulmans et contre les savants de l'islam et contre la masse des musulmans par la suite. Et ils se permettent par la suite de tuer et d'égorger au nom de l'islam toutes les personnes qu'ils considèrent être kuffar. Cette voie qu'ils ont suivie a ramené et a ouvert la porte à une des plus grandes formes d'extrémisme. Et puis par la suite, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ? C'est qu'ils ont affaibli les musulmans, et par la suite, même que les non-musulmans, c'est-à-dire les koufars parmi les juifs, les chrétiens et les autres, les utilisent contre les musulmans et contre l'islam, pour affaiblir et attaquer même les musulmans. Donc ça, c'est un exemple de bid'a. Et après, il y en a beaucoup d'autres, et beaucoup d'exemples, comme la bid'a des rafidah, parmi les shi'as, qui eux se sont attaqués aux gens les plus pieux et les meilleurs de cette umma après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les sahaba. Et ils en ont fait une question de religion, de les insulter et de les maudire et de les déclarer comme étant des koufars. C'est-à-dire que pour eux, Abu Bakr, Omar, Othman sont des mécréens qui ont quitté l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de même que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la grande majorité des sahaba pour eux sont tous des kuffars. Hein? Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils ont fait de la religion, qu'est-ce qui est en réalité qui est un des aspects les plus importants de l'islam, c'est-à-dire de respecter le lien et la chaîne qui existe entre la umma et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cette chaîne, ce sont les sahaba. Sans les sahaba, qui nous aurait transmis l'islam jusqu'à nous? Comment l'islam nous serait parvenu aujourd'hui? Comment le Coran nous serait parvenu aujourd'hui? Et donc c'est pour cette raison que ces gens-là, en réalité, en attaquant les sahaba, ont attaqué l'islam lui-même, et ont essayé de mettre un doute dans le cœur des gens, au sujet même de l'authenticité de cette religion et des transmetteurs de cette religion. Donc ça, c'est un autre exemple de bid'a parmi les bid'a. Hein, sans oublier que ce sont des gens qui adorent les tombes et vénèrent les hommes et les prennent comme des divinités en dehors d'Allah. Et donc, ils font des pèlerinages. Au lieu de faire des pèlerinages à Mecca, hein, et de faire le tawaf autour de la Kaaba, et ils vont faire des pèlerinages dans d'autres villes autour des tombes et autour de la tombe de Ali radiallahu anhu ou d'autres parmi les gens qu'ils appellent Ahlul Bayt. Et ils prétendent que eux, ils défendent Ahlul Bayt, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme si le reste des musulmans parmi les gens de Ahlul Sunnah, eux, n'aimaient pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien au contraire. Nous aimons la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous les défendons. Mais nous n'allons pas tomber dans le shirk et dans l'idolâtrie en les élevant au-dessus du niveau dans lequel Allah les a placés. C'est-à-dire que ce sont des serviteurs d'Allah, c'était des adorateurs d'Allah, mais pas pour qu'on arrive au point où on les adore en dehors d'Allah et qu'on fasse des tawafs et des pèlerinages à leur tombe. Ou construire des dômes et des mosquées ou des mausolées au-dessus de leur lieu, là où ils sont enterrés. Donc ça, c'est parmi les exemples. Et il y a beaucoup d'autres formes de bid'a, comme la bid'a des soufia, la bid'a des khawarij, la bid'a des mu'tazila, et il y en a beaucoup d'autres, et on ne peut pas, bien entendu, les expliquer toutes, mais c'est important de savoir qu'elles existent. Et sachez qu'il y a des livres que les savants de l'islam ont écrits pour avertir contre ces égarements-là et pour les réfuter avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et ces livres-là, vous pouvez les trouver facilement si vous les cherchez dans les livres de Aqida. Un autre exemple aussi, parmi les formes d'ifsad et de corruption, il y a ce qu'on appelle sihr, c'est-à-dire la sorcellerie. Et ça, c'est une des choses qui fait partie du kufr. Hein, ça fait partie de la mécréance. Et malgré que les gens aujourd'hui pensent qu'ils sont loin de ce genre de choses, mais la réalité, c'est que dans plusieurs pays de musulmans, il y a des sorciers, il y a des charlatans, il y a des marabouts qui font de la sorcellerie et qui utilisent l'aide des djinns pour essayer de faire des choses et lancer des sorts aux gens ou des choses de ce genre. Et ce genre d'action ou ce genre de choses, ça fait partie du kufr. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit l'action des sorciers et des gens qui font de la sorcellerie comme étant du désordre et de la corruption. Il a dit à propos de, par exemple, Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'est adressé aux sorciers à l'époque de Pharaon, lorsqu'ils ont lancé leur bâton, Moussa a dit, ce que vous ramenez comme sorcellerie, Allah subhanahu wa ta'ala va le détruire et va l'annuler. Et donc il a lancé son bâton qui est devenu un serpent qui a avalé tous les autres, hein, qu'ils avaient lancés. Toutes les cordes qu'ils avaient lancées ont été avalées par ce serpent que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, a transformé à partir du bâton de Moussa alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il ne va pas donner le succès au travail de ceux qui font le désordre sur la terre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ومن الإفساد في الأرض عباد الله قطع الطريق وإخافة السبيل وإعراب الآمنين وإرعاب الآمنين. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا التنوع في العقوبات راجع إلى تنوع الإفساد الحاصل من هؤلاء. ومن الإفساد في الأرض تعاطي الفواحش والرذائل من الزنا واللواط. وذلك ولهذا ذكر الله في دعاء لوط عليه السلام ومناجاته لربه أنه قال رب انصرني على القوم المفسدين. يعني بذلك اتيان للفواحش والرذائل والخسائس مستنجدا بالله طالبا نصره جل وعلا. ومن الإفساد عباد الله السرقة وانتهاب الأموال بأي صورة كانت وعلى أي هيئة كانت. ولهذا قال الله عن إخوة يوسف عليه السلام قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. إنه من المتقرر أن السرقة ضرب من ضروب الإفساد في الأرض. ومن الإفساد يا عباد الله ترويج الخمور والمخدرات. وما أعظم ضررها على الناس إفسادا وإضرارا. ولهذا لما ذكر الله خمر الجنة ذكرها جل وعلا وقال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فنزه خمر الجنة عما في خمر الدنيا من أنواع الفساد وصنوف المضار. سنفتاد الله سشيك الله سبحانه وتعالى انتردي parmi les différentes formes de corruption et de désordre le fait de faire du banditisme et de faire peur aux gens par toutes sortes de crimes, un peu comme ce que font les bandits ou les gens de différentes mafias, hein, et les criminels, et qu'est-ce qu'ils sèment sur la terre comme désordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme punition pour ces gens-là des punitions très sévères et très dures qu'il a mentionnées dans le Coran. Et parmi ces différentes punitions, le fait qu'ils soient crucifiés, ou qu'on leur coupe les extrémités, ou qu'on les expulse de la terre, hein, qu'on les exile. Et donc ça, c'est différentes punitions selon le degré de crime qu'ils ont commis. Et parmi les différentes formes de corruption et de désordre, l'exemple de ce que font les gens, par exemple, qui commettent l'homosexualité, qui commettent qu'est-ce qu'on appelle la sodomie, ou bien toute autre forme d'attirance sexuelle qui est perverse et corrompue. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la parole de Nour, de Lout, lorsqu'il a fait son dua, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il lui a dit: « Oh mon Seigneur, secours-moi contre l'action des gens qui font la corruption et le désordre. » Et donc, le fait de faire ce genre de crime et de péché, eh bien, ça fait partie de ce qui sème le désordre sur la terre. Et également, parmi les différentes formes de désordre sur la terre, il y a aussi le vol, le fait de voler. Et ça, on le sait, ça fait partie des plus grands crimes et des choses que l'islam a interdit. Et il y a même dans l'islam une punition très sévère pour les gens qui sont responsables de ce genre de crimes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans les paroles des frères de Yusuf alayhi salam, ils ont mentionné, ils ont dit: par Allah, tu sais très bien que nous ne sommes pas venus pour faire du désordre sur la terre et nous ne sommes pas des voleurs. Et donc c'est pour dire que le vol fait partie du désordre. Et parmi les différentes formes de désordre également et de corruption sur la terre, il y a le fait de diffuser sur la terre ou de vendre de l'alcool et des différentes formes de drogue. Et il y a certaines personnes qui s'imaginent que la drogue, c'est moins pire que l'alcool. Alors qu'en réalité, les effets néfastes de la drogue sont parfois plus graves et plus permanentes que l'alcool même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas interdit dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, il n'a pas interdit uniquement l'alcool ou le vin, comme certains s'imaginent, mais il a interdit tout ce qui intoxique, donc tout ce qui est intoxicant. Et donc même si c'est pas du vin, du moment que c'est quelque chose qui te fait perdre la raison ou qui joue avec ta conscience, eh bien c'est quelque chose qui est interdit, que ce soit de la marijuana ou de la cocaïne ou d'autres, parce qu'il y en a des musulmans qui pensent que si quelque chose n'est pas écrit textuellement dans le Coran comme étant haram, que ça veut dire que c'est pas haram. Comme si par exemple si le mot cocaïne n'est pas écrit dans le Coran, ils vont dire: ah, la cocaïne c'est pas haram, c'est pas interdit dans le Coran. Mais sachez que alhamdoulillah, les ulama de l'islam ils font des ijtihads en se basant sur les textes, et qu'il y a des règles et des principes dans le Coran et dans la sunna qui nous permettent d'établir des verdicts religieux sur des choses qui n'existaient pas même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que les gens ne connaissaient pas. Mais en se basant sur ces principes-là et en faisant des formes d'analogie et de qiyas, ils peuvent interdire quelque chose qui apparaît par la suite parce que certaines conditions ou certaines règles ou certaines causes sont communes entre les différentes choses. Et donc si tu regardes les effets de toutes ces autres drogues, eh bien tu vois et tu constates que elles ont des effets parfois pires que l'alcool, et donc c'est des raisons pour lesquelles l'islam les a interdites. Et donc ça, c'est juste un petit résumé pour vous rappeler de ces choses-là, puisque alhamdoulillah, nous savons toutes ces choses-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit: wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, et rappelle, car le rappel est bénéfique pour le croyant. Et aussi je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui dans un grand jour qui est le jour de Arafat, et aujourd'hui les pèlerins à Mecca se sont tenus à Arafat et ils ont établi cette grande ibadah qui est l'ibadah du Hajj. Et on sait que dans cette journée, celui qui la jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala va lui effacer les péchés de l'année. Donc c'est quelque chose qui est très encouragé et très bien, et profitez de cette journée pour faire beaucoup d'invocations à Allah subhanahu wa ta'ala et pour lui demander tout ce que vous désirez, et également de lui demander sa miséricorde, parce que dans ce jour il sauve